trouve les phrases qui prouvent ce que déjà tu sais si bien. Y a pas trois moyens, y a pas deux moyens, y en a qu'un qui est bon pour te dire que je t'aime. Y a pas 36 façons. Y'a pas trois moyens, y'a pas deux moyens, y'en a qu'un qui est bon. À chaque problème, une seule solution. Ce n'est pas en donnant des gifles, ce n'est pas en me défendant, ce n'est pas en sortant les griffes, ce n'est pas en grinçant des dents. Y'a pas trois moyens, y'a pas deux moyens, y'en a qu'un à proposer pour te dire que je t'aime. Rien ne vaut un baiser. Un baiser, mais pas du bout des lèvres. Un baiser négligemment posé, non. Mais pas un baiser mièvre, comment préciser? J'ai le mot sur les lèvres. Voyons, voyons, voyons, voyons, voyons, voyons, voyons, voyons, comment définir un baiser? Y'a pas trois moyens, y'a pas deux moyens, y'en a qu'un. Voici mes lèvres, embrasse-moi.